Tu sais, je vais t'aimer, même sans ta présence, je vais t'aimer, même sans espérance, je vais t'aimer tous les jours de ma vie. Je t'écrirai, c'est toi que j'aime, c'est toi que j'aimerai tous les jours de ma vie. Tu sais, je vais pleurer quand tu t'éloigneras, je vais pleurer. Mais tu me reviendras et j'oublierai la douleur de mes nuits. Tu sais, je souffrirai à chaque instant de tendre, je souffrirai, mais quand tu seras là, je renaîtrai tous les jours de ma vie. Je vais pleurer, mais tu me reviendras et j'oublierai la douleur de mes nuits. Tu sais, je souffrirai à chaque instant d'attendre, je souffrirai. Quand tu seras là, je renaîtrai tous les jours.